les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En pleine nuit, on tire sur un homme des coups de fusil, à coups de revolver, il est criblé de chevrotines, il tombe, on le relève, il est mort. C'est assez naturel. Sauf qu'il est mort d'avoir été poignardé au cœur. Décidément, les mystères se suivent dans le mystère de la chambre jaune et sont de plus en plus perturbants, car inexplicables. Oui, le mystère s'épaissit. Le mystère de la chambre jaune ne perd rien de son charme éclatant. Cadavre inexplicable, fantôme noir, existe-t-il vraiment? Qu'en dit-il Rouletabille? Il dit tout. Je sais désormais tout. Voici les épisodes 18 et 19 du feuilleton du mystère de la chambre jaune, diffusé pour la première fois sur France Culture les 24 et 25 août 1983. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, messieurs. Rouletabille a raison, je viens de le constater moi-même. Le garde, sur qui maître Sinclair et sœur Arthur ont tiré à coups de revolver, qui ensuite a reçu deux décharges de chevrotine à moins de 20 mètres, eh bien cet homme est mort d'un coup de couteau au cœur. Et pourtant, c'est comme ça. Bien, je présume que M. Larsan a du travail et qu'il souhaite poursuivre son enquête. Venez, Sinclair. Oui, je vous suis. Joseph, je croyais qu'on devait réfléchir. Oui, j'ai l'impression que vous réfléchissez en dormant de manière confondante. Oh, c'est malin, c'est drôle, ça. Il est quelle heure?